avec Moi, j'aimerais être chanteur parce que je veux créer des mélodies. J'ai fait des valises, on va quitter la street. J'ai vu du bénéfice, on va investir en Afrique. J'ai ce que c'est d'avoir la dalle aujourd'hui, si Dieu merci. C'est pour Paris, mais la carte de crédit qui est magique. Après j'ai changé d'habit Louis Gucci pour me sentir beau. Je rêvais depuis petit, donc j'ai pété le dernier Merco. Monte un peu dans le bolide, il y aura toujours ta place à déco. Comme le patron du four, on a les femmes, on a des bigots. T'as beau être le plus fort, mais pour t'éteindre, on a la méthode. Elle met la bague au doigt, si j'ai plus rien, elle va me tourner le dos. J'en donne sans oublier, pas rancunier, je suis genre de négro. Ma chérie, fais tes valises, on va quitter la street. Investir en Afrique, j'ai ce que c'est d'avoir la dalle aujourd'hui, si Dieu merci, c'est pas Paris mais la carte de crédit qui est magique. Ça fait plus la queue, j'enfile mille, c'est mon pantalon. Quand je dis que j'ai fait d'oseille, c'est que tout est bon. M'a briefé tous les buckets, lui demander si c'est mon gamin. Ah, quand y'a pas d'oseille, je me sens mal, je me sens faible. Pour oublier tout ça, tu tiens comme elle, remets dans le verre. Ils veulent m'assasser, ils veulent mon baisse, ils veulent me faire. Je suis pas tout seul, y'a tous mes soeurs, y'a tous mes frères. Ma chérie, fais tes valises, on va quitter la street. Ma chérie a jolie physique, vacances en CDI. C'est le scénario, eh, quitte le vendo, eh, le vendo, eh, c'est le scénario. Eh. Ma chérie fait des valises, on va quitter la street. J'ai fait du bénéfice qu'on va investir en Afrique. Qu'est-ce que c'est d'avoir la dalle aujourd'hui, dis Dieu merci. C'est pas Paris, mais la carte de crédit qui est magique. Yeah.